Section 37 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre 12e. Ce livre a été écrit à Rome en 1828 et 1829. Il a été revu en février 1845. Ambassade de Rome. Trois espèces de matériaux. Journal de route. Lettres à Madame Récamier. Léon XII et les cardinaux. Les ambassadeurs. Les anciens artistes et les artistes nouveaux. Ancienne société romaine. Mœurs actuelles de Rome. Les lieux et le paysage. Lettres à Monsieur Villemain. À Madame Récamier. Explication sur le mémoire qu'on va lire. Lettres à Monsieur le comte de La Ferronnays. Mémoire. À Madame Récamier, à la même, à Madame Récamier, à Monsieur Thierry, dépêche à Monsieur le comte de La Ferronnays, à Madame Récamier, à la même, dépêche à Monsieur le comte Portalis, mort de Léon XII, dépêche à Monsieur le comte Portalis, à Madame Récamier. Le livre précédent que je viens d'écrire en 1839 rejoint ce livre de mon ambassade de Rome, écrit en 1828 et 1829, il y a 10 ans. Mes mémoires, comme mémoires, ont gagné au récit de la vie de Madame Récamier. D'autres personnages ont été amenés sur la scène. On a vu Naples sous Murat, Rome sous Bonaparte, le pape délivré revenu à Saint-Pierre, des lettres inédites de Madame de Staël, de Benjamin Constant, de Canova, de la Harpe, de Madame de Genlis, de Lucien Bonaparte, de Moreau, de Bernadotte, de Murat sont conservés. Des récits de Benjamin Constant le montrent sous un jour nouveau. J'ai introduit le lecteur dans un petit canton détourné de l'Empire, tandis que cet Empire accomplissait son mouvement universel. Je me trouve maintenant conduit à mon ambassade de Rome. On aura été délassé de moi par la distraction d'un sujet étranger. C'est tout profit pour le lecteur. Pour ce livre de mon ambassade de Rome, les matériaux ont abondé. Ils sont de trois sortes. Les premiers contiennent l'histoire de mes sentiments intimes et de ma vie privée racontée dans les lettres adressées à Madame Récamier. Les seconds exposent ma vie publique. Ce sont mes dépêches. Les troisièmes sont un mélange de détails historiques sur les papes, sur l'ancienne société de Rome, sur les changements arrivés de siècles en siècles dans cette société, etc. Parmi ces investigations se trouvent des pensées et des descriptions, fruits de mes promenades. Tout cela a été écrit dans l'espace de 7 mois, temps de la durée de mon ambassade, au milieu des fêtes ou des occupations sérieuses. Note. En relisant ces manuscrits, j'ai seulement ajouté quelques passages d'ouvrages publiés postérieurement à la date de mon ambassade à Rome. Chateaubriand. Fin de note. Néanmoins, ma santé était altérée. Je ne pouvais lever les yeux sans éprouver des éblouissements. Pour admirer le ciel, j'étais obligé de le placer autour de moi en montant au haut d'un palais ou d'une colline. Mais je guéris la lassitude du corps par l'application de l'esprit. L'exercice de ma pensée renouvelle mes forces physiques. Ce qui tuerait un autre homme me fait vivre. Au revu de tout cela, une chose m'a frappé. À mon arrivée dans la ville éternelle, je sens une certaine déplaisance. Et je crois un moment que tout est changé. Peu à peu, la fièvre des ruines me gagne, et je finis, comme 1000 autres voyageurs, par adorer ce qui m'avait laissé froid d'abord. La nostalgie et le regret du pays natal, aux rives du Tibre, on a aussi le mal du pays, mais il produit un effet opposé à son effet accoutumé. On est saisi de l'amour des solitudes et du dégoût de la patrie. J'avais déjà éprouvé ce mal lors de mon premier séjour, et j'ai pu dire « Agnosco veteris vestigia flammae ». Note. Énéide, livre 4, vers 23. Fin de note. Vous savez qu'à la formation du ministère Martignac, le seul nom de l'Italie avait fait disparaître le reste de mes répugnances. Mais je ne suis jamais sûr de mes dispositions en matière de joie. Je ne fus pas plus tôt parti avec Madame de Chateaubriand que ma tristesse naturelle me rejoignit en chemin. Vous allez vous en convaincre par mon journal de route. Lausanne, 22 septembre 1828. J'ai quitté Paris le 14 de ce mois. J'ai passé le 16 à Villeneuve-sur-Yonne. Que de souvenirs! Joubert a disparu. Le château abandonné de Passy a changé de maître. Il m'a été dit, soyez la cigale des nuits. Esto cicada noctium. Arona, 25 septembre. Arrivé à Lausanne le 22, j'ai suivi la route par laquelle ont disparu deux autres femmes qui m'avaient voulu du bien et qui, dans l'ordre de la nature, me devaient survivre. L'une, Madame la marquise de Custine, est venue mourir à Bex. L'autre, Madame la duchesse de Duras, il n'y a pas encore un an, courait au Simplon, fuyant devant la mort qui l'atteignit à Nice. Note. Madame de Duras mourut à Nice au mois de janvier 1829. Fin de note. Noble Clara, digne et constante amie, ton souvenir ne vit plus en ces lieux. De ce tombeau, l'on détourne les yeux, ton nom s'efface et le monde t'oublie. Le dernier billet que j'ai reçu de Madame de Duras fait sentir l'amertume de cette dernière goutte de la vie qu'il nous faudra tous épuiser. Nice, 14 novembre 1828. Je vous ai envoyé un Asclepias carnata. C'est un laurier grimpant de pleine terre qui ne craint pas le froid et qui a une fleur rouge comme le camélia, qui sent excellent. Mettez-le sous les fenêtres de la bibliothèque du Bénédictin. Je vous dirai un mot de mes nouvelles. C'est toujours la même chose. Je languis sur mon canapé toute la journée, c'est-à-dire tout le temps je ne suis pas en voiture ou à marcher dehors, ce que je ne puis faire au-delà d'une demi-heure. Je rêve au passé. Ma vie a été si agitée, si variée, que je ne puis dire que j'éprouve un violent ennui. Si je pouvais seulement coudre ou faire de la tapisserie, je ne me trouverais pas malheureuse. Ma vie présente est si éloignée de ma vie passée qu'il me semble que je lis des mémoires ou que je regarde un spectacle. Note. Tout ce qui précède depuis les mots « la mort qui l'atteignit à Nice » a été ajouté après coup sur le journal de route de Chateaubriand. Il est bien évident qu'il ne pouvait inscrire sur son journal le 25 septembre 1828 un billet de Madame de Duras écrit le 14 novembre 1828. Il ne pouvait non plus parler alors de la mort de Madame de Duras et de son tombeau puisqu'elle mourut seulement en 1829. Fin de note. Ainsi je suis rentré dans l'Italie privé de mes appuis comme j'en sortis il y a 25 ans. Mais à cette première époque je pouvais réparer mes pertes. Aujourd'hui, qui voudrait s'associer à quelques vieux jours? Personne ne se soucie d'habiter une ruine. Au village même du Simplon, j'ai vu le premier sourire d'une heureuse aurore. Les rochers dont la base s'étendait noircie à mes pieds resplendissaient de rose au haut de la montagne, frappés des rayons du soleil. Pour sortir des ténèbres, il suffit de s'élever vers le ciel. Si l'Italie avait déjà perdu pour moi de son éclat lors de mon voyage à Vérone en 1822, dans cette année 1828, elle m'a paru encore plus décolorée. J'ai mesuré les progrès du temps. Appuyé sur le balcon de l'auberge à Arona, je regardais les rivages du lac majeur, peints de l'or du couchant et bordés de flots d'azur. Rien n'était doux comme ce paysage que le château bordait de ses créneaux. Ce spectacle ne me portait ni plaisir ni sentiment. Les années printanières marient à ce qu'elles voient leurs espérances. Un jeune homme va errant avec ce qu'il aime ou avec les souvenirs du bonheur absent. S'il n'a aucun lien, il en cherche. Il se flatte à chaque pas de trouver quelque chose. Des pensées de félicité le suivent. Cette disposition de son âme se réfléchit sur les objets. Au surplus, je m'aperçois moins du rapetissement de la société actuelle lorsque je me trouve seul. Laissé à la solitude dans laquelle Bonaparte a laissé le monde, j'entends à peine les générations débiles qui passent et vagissent au bord du désert. Bologne, 28 septembre 1828. À Milan, en moins d'un quart d'heure, j'ai compté 17 bossus passant sous la fenêtre de mon auberge. La schlag allemande a déformé la jeune Italie. J'ai vu dans son sépulcre Saint-Charles Borromée, dont je venais de toucher la crèche à Arona. Il comptait 244 années de mort. Il n'était pas beau. À Borgo San Donnino, Madame de Chateaubriand est accourue dans ma chambre au milieu de la nuit. Elle avait vu tomber ses robes et son chapeau de paille des chaises où ils étaient suspendus. Elle en avait conclu que nous étions dans une auberge hantée des esprits ou habitée par des voleurs. Je n'avais éprouvé aucune commotion dans mon lit. Il était pourtant vrai qu'un tremblement de terre s'était fait sentir dans l'Apennin. Ce qui renverse les cités peut faire tomber les vêtements d'une femme. C'est ce que j'ai dit à Madame de Chateaubriand. Je lui ai dit aussi que j'avais traversé sans accident en Espagne, dans la Vega de Xenil, un village culbuté la veille par une secousse souterraine. Ces hautes consolations n'ont pas eu le moindre succès et nous nous sommes empressés de quitter cette caverne d'assassins. La suite de ma course m'a montré partout la fuite des hommes et l'inconstance des fortunes. À Parme, j'ai trouvé le portrait de la veuve de Napoléon. Cette fille des Césars est maintenant la femme du comte de Neipperk. Cette mère du fils du conquérant a donné des frères à ce fils. Elle fait garantir les dettes qu'elle entasse par un petit Bourbon qui demeure à Luc et qui doit, s'il y a lieu, hériter du duché de Parme. Bologne me semble moins désert qu'à l'époque de mon premier voyage. J'y étais reçu avec les honneurs dont on assomme les ambassadeurs. Je visitais un beau cimetière. Je n'oublie jamais les morts. C'est notre famille. Je n'avais jamais si bien admiré les Caracci qu'à la nouvelle galerie de Bologne. J'ai cru voir la Sainte-Cécile de Raphaël pour la première fois, tant elle était plus divine qu'au Louvre, sous notre ciel barbouillé de suie. Ravenne, 1er octobre 1828. Dans la Romagne, pays que je ne connaissais pas, une multitude de villes, avec leurs maisons enduites d'une chaux de marbre, sont perchées sur le haut de diverses petites montagnes, comme des compagnies de pigeons blancs. Chacune de ces villes offre quelques chefs-d'œuvre des arts modernes ou quelques monuments de l'Antiquité. Ce canton de l'Italie renferme toute l'histoire romaine. Il faudrait le parcourir, Tite Live, Tacite et Suétone à la main. J'ai traversé Imola, évêché de Pisette, et Faenza. À Forlì, je me suis détourné de ma route pour visiter à Ravenne le tombeau de Dante. En approchant du monument, j'ai été saisi de ce frisson d'admiration que donne une grande renommée quand le maître de cette renommée a été malheureux. Alfieri, qui avait sur le front « Il pallor delle amorte e la speranza », se prosterna sur ce marbre et lui adressa ce sonnet « O gran padre Alighieri ». Devant le tombeau, je m'appliquai ce vers du purgatoire « Frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui ». Béatrice m'apparaissait, je la voyais telle qu'elle était lorsqu'elle inspirait à son poète le désir de soupirer et de mourir de pleurs « Di sospirare ». Et d'y mourir di pianto. Oh, ma pieuse chanson, dit le père des muses modernes, va pleurant à présent, va retrouver les femmes et les jeunes filles à qui tes sœurs avaient accoutumé de porter la joie. Et toi, qui es fille de la tristesse, va-t'en, inconsolée, demeurer avec Béatrice. Et pourtant le créateur d'un nouveau monde de poésie oublia Béatrice quand elle eut quitté la terre. Il ne la retrouva pour l'adorer dans son génie que quand il fut détrompé. Béatrice lui en fait le reproche lorsqu'elle se prépare à montrer le ciel à son amant. « Je l'ai soutenu, Dante, dit-elle aux puissances du paradis, je l'ai soutenu quelque temps par mon visage et mes yeux d'enfant, mais quand je fus sur le seuil de mon second âge et que je changeai de vie, il me quitta et se donna à d'autres. » Dante refusa de rentrer dans sa patrie au prix d'un pardon. Il répondit à l'un de ses parents, « Si pour retourner à Florence, il n'est d'autre chemin que celui qui m'est ouvert, je n'y retournerai point. Je puis partout contempler les astres et le soleil. » Dante daigna ses jours aux Florentins, et Ravenne leur a daigné ses cendres, alors même que Michel-Ange, génie ressuscité du poète, se promettait de décorer à Florence le monument funèbre de celui qui avait appris « Come luom s'eterna ». Le peintre du jugement dernier, le sculpteur de Moïse, l'architecte de la coupole de Saint-Pierre, l'ingénieur du vieux bastion de Florence, le poète des sonnets adressés à Dante, se joignit à ses compatriotes et appuya de ses mots la requête qu'ils présentèrent à Léon X. « Io Michel Agnolo, scultore, il medesimo a vostra santita supplico, offerendomi al divin poeta fare la sepoltura sua condecente e in loco ono verole in questa città. » Michel-Ange, dont le ciseau fut trompé dans son espérance, eut recours à son crayon pour élever à cet autre lui-même un autre mausolée. Il dessina les principaux sujets de la Divina Commedia sur les marges d'un exemplaire in folio des œuvres du grand poète. Un navire qui portait de Livourne à Civita Vecchia ce double monument fit naufrage. Je m'en revenais tout ému et ressentant quelque chose de cette commotion mêlée d'une terreur divine que j'éprouvais à Jérusalem, lorsque mon cicérone m'a proposé de me conduire à la maison de Lord Byron. Et que me faisaient Childerhold et la signora Giocioli en présence de Dante et de Béatrice? Le malheur et les siècles manquent encore à Childerhold, qu'il attende l'avenir. Byron a été mal inspiré dans sa prophétie de Dante. J'ai retrouvé Constantinople à Saint-Vital, et à Saint-Apollinaire. Honorius et sa poule ne m'importaient guère. J'aime mieux Placidie et ses aventures, dont le souvenir me revenait dans la basilique de Saint-Jean-Baptiste. C'est le roman chez les barbares. Théodoric reste grand, bien qu'il ait fait mourir Boès. Ces Goths étaient d'une race supérieure. Amalassante, banni dans une île du lac de Bolzène, s'efforça avec son ministre Cassiodore de conserver ce qui restait de la civilisation romaine. Les exarques apportèrent à Ravenne la décadence de leur empire. Ravenne fut lombarde sous Astolphe. Les Carlovingiens la rendirent à Rome. Elle devint sujette de son archevêque, puis elle se changea de république en tyrannie, finalement après avoir été guelfe ou gibeline. Après avoir fait partie des États vénitiens, elle est retournée à l'Église sous le pape Jules II et ne vit plus aujourd'hui que par le nom de Dante. Cette ville, que Rome enfanta dans son âge avancé, eut dès sa naissance quelque chose de la vieillesse de sa mère. À tout prendre, je vivrais bien ici. J'aimerais à aller à la colonne des Français, élevée en mémoire de la bataille de Ravenne. Là se trouvèrent le cardinal de Médicis, Léon X et Arioste, Bayard et Lautrec, frères de la comtesse de Chateaubriand. Là fut tué à l'âge de 24 ans le beau Gaston de Foix. Nonobstant toute l'artillerie tirée par les Espagnols, les François marchoient toujours, dit le loyal serviteur. Depuis que Dieu créa ciel et terre, ne fut un plus cruel, ne plus dur assaut entre François et Espagnols. Ils se reposoient les uns devant les autres pour reprendre leur haleine, puis, baissant la vue, ils recommençoient de plus belle en criant « France et Espagne !» Il ne resta de tant de guerriers que quelques chevaliers qui, alors affranchis de la gloire, endossèrent le froc. On voyait aussi dans quelques chaumières une jeune fille qui, en tournant son fuseau, embarrassait ses doigts délicats dans du chanvre. Elle n'avait pas l'habitude d'une pareille vie. C'était une trivulse. Quand, à travers sa porte entrebâillée, elle voyait deux lames se rejoindre dans l'étendue des flots, elle sentait sa tristesse s'accroître. Cette femme avait été aimée d'un grand roi. Elle continuait d'aller tristement par un chemin isolé de sa chaumière à une église abandonnée et de cette église à sa chaumière. L'antique forêt que je traversais était composée de pins esselés. Ils ressemblaient à des mâts de galères engravés dans le sable. Le soleil était près de se coucher. Lorsque je quittai Ravenne, j'entendis le son lointain d'une cloche qui tintait. Elle appelait les fidèles à la prière. Ancône, 3 et 4 octobre. Revenu à Forlì, je l'ai quitté de nouveau sans avoir vu sur ses remparts croulants l'endroit d'où la duchesse Catherine Sforze déclara à ses ennemis, prêts à égorger son fils unique, qu'elle pouvait encore être mère. Pisette, née à Cézanne, fut moine dans l'admirable couvent de la Madonna del Monte. Je traversais près de Savignano la ravine d'un petit torrent. Quand on me dit que j'avais passé le Rubicon, il me sembla qu'un voile se levait et que j'apercevais la terre du temps de César. Mon Rubicon à moi, c'est la vie. Depuis longtemps, j'en ai franchi le premier bord. À Rimini, je n'ai rencontré ni Françoise, ni l'autre ombre sa compagne, qui au vent semblait si légère. « Et paion si el vento esser leggieri ?» Rimini, Pesaro, Fano, Sini Gaglia m'ont amené à Ancône sur des ponts et des chemins laissés par les Augustes. Dans Ancône, on célèbre aujourd'hui la fête du pape. J'en entends la musique à l'arc triomphal de Trajan, double souveraineté de la ville éternelle. Lorette, 5 et 6 octobre. Nous sommes venus coucher à Lorette. Le territoire offre un spécimen parfaitement conservé de la colonie romaine. Les paysans fermiers de Notre-Dame sont dans l'aisance et paraissent heureux. Les paysannes, belles et gaies, portent une fleur à leur chevelure. Le prélat gouverneur nous a donné l'hospitalité. Du haut des clochers et du sommet de quelques éminences de la ville, on a des perspectives riantes sur les campagnes, sur Ancône et sur la mer. Le soir, nous avons eu une tempête. Je me plaisais à voir la Valentia Muralis et la fumeterre des chèvres s'incliner au vent sur les vieux murs. Je me promenais sous les galeries à double étage, élevées d'après les dessins de Bramante. Ces pavés seront battus des pluies de l'automne. Ces brins d'herbe frémiront au souffle de l'Adriatique longtemps après que j'aurai passé. À minuit, j'étais retiré dans un lit de 8 pieds carrés, consacré par Bonaparte. Une veilleuse éclairait à peine la nuit de ma chambre. Tout à coup, une petite porte s'ouvre et je vois entrer mystérieusement un homme menant avec lui une femme voilée. Je me soulève sur le coude et le regarde. Il s'approche de mon lit et se hâte, en se courbant jusqu'à terre, de me faire mille excuses de troubler ainsi le repos de monsieur l'ambassadeur. Mais il est veuf, il est un pauvre intendant. Il désire marier sa ragazza, ici présente. Malheureusement, il lui manque quelque chose pour la dot. Il relève le voile de l'orpheline, elle était pâle, très jolie, et tenait les yeux baissés avec une modestie convenable. Ce père de famille avait l'air de vouloir s'en aller et laisser la fiancée m'achever son histoire. Dans ce pressant danger, je ne demandais point à l'obligeant infortuné, comme demanda le bon chevalier à la mère de la jeune fille de Grenoble, si elle était vierge. Tout ébouriffé, je pris quelques pièces d'or sur la table, près de mon lit, je les donnai, pour faire honneur au roi mon maître, à la Zitalia, dont les yeux n'étaient pas enflés à force d'avoir pleuré. Elle me baisa la main avec une reconnaissance infinie. Je ne prononçais pas un mot, et retombant sur mon immense couche, comme si je voulais dormir, la vision de saint Antoine disparut. Je remerciai mon patron, saint François, dont c'était la fête. Je restai dans les ténèbres, moitié riant, moitié regrettant, et dans une admiration profonde de mes vertus. C'était pourtant ainsi que je semais l'or, que j'étais ambassadeur, hébergé en toute pompe chez le gouverneur de Lorette, dans cette même ville où le Tasse était logé dans un mauvais bouge et où, faute d'un peu d'argent, il ne pouvait continuer sa route. Il paya sa dette à Notre-Dame de Lorette par sa canzone, Ecco fra le tempeste e i fieri venti. Madame de Chateaubriand fit amende honorable de ma passagère fortune en montant à genoux les degrés de la Santa Chiesa. Après ma victoire de la nuit, j'aurais eu plus de droit que le roi de Saxe de déposer mon habit de noces au trésor de Lorette. Mais je ne me pardonnerai jamais, à moi, chétif enfant des muses, d'avoir été si puissant et si heureux là où le chantre de la Jérusalem avait été si faible et si misérable. Torquato ne me prend pas dans ce moment extraordinaire de mes inconstantes prospérités. La richesse n'est pas mon habitude. Vois-moi dans mon passage à Namur, dans mon grenier à Londres, dans mon infirmerie à Paris, afin de me trouver avec toi quelque lointaine ressemblance. Je n'ai point, comme Montaigne, laissé mon portrait en argent à Notre-Dame de Lorette, ni celui de ma fille, Leonora Montana, filia unica. Je n'ai jamais désiré me survivre, mais pourtant une fille, et qui porterait le nom de Léonore. Spoleto. Après avoir quitté Lorette, passé Macerata, laissé Tolentino, qui marque un pas de Bonaparte et rappelle un traité, j'ai gravi les derniers redans de l'Apennin. Le plateau de la montagne est humide et cultivé comme une houblonnière. À gauche étaient les mers de la Grèce, à droite celles de l'Ibérie. Je pouvais être pressé du souffle des brises que j'avais respirées à Athènes et à Grenade. Nous sommes descendus vers l'Ombrie, en circulant dans les volutes des gorges exfoliées, où sont suspendus dans des bouquets de bois les descendants de ces montagnards qui fournirent des soldats à Rome après la bataille de Trasimène. Foligno possédait une vierge de Raphaël qui est aujourd'hui au Vatican. Véné, dans une position charmante, est à la source du Clitumne. Le Poussin a reproduit ce site chaud et suave. Byron l'a froidement chanté. Note. Pèlerinage de Childerhold, chant 4, fin de note. Spoleto a donné le jour au pape actuel. Selon mon courrier Giorgini, Léon XII a placé dans cette ville les galériens pour honorer sa patrie. Spoleto osa résister à Hannibal. Elle montre plusieurs ouvrages de Lippi l'Ancien, qui, nourri dans le cloître, esclave en barbarie, espèce de servantesse chez les peintres, mourut à 60 ans passés du poison que lui donnèrent les parents de Lucrèce, séduite par lui, croyait-on. Civita Castelliana. À Montelupo, le comte Potocchi s'ensevelit dans les laures charmantes. Mais les pensées de Rome ne les suivirent tel point. Ne se croyait-il pas transporté au milieu des cœurs des jeunes filles? Et moi aussi, comme saint Jérôme, j'ai passé dans mon temps, le jour et la nuit, à pousser des cris, à frapper ma poitrine, jusqu'au moment où Dieu me renvoyait la paix. Je regrette de ne plus être ce que j'ai été, plango me non esse quod fuerim. Après avoir dépassé les ermitages de Montelupo, nous avons commencé à contourner la Somma. J'avais déjà suivi ce chemin dans mon premier voyage de Florence à Rome par Pérouse, en accompagnant une femme mourante. À la nature de la lumière et à une sorte de vivacité du paysage, je me serais cru sur une des croupes des Alleghanies, n'était qu'un haut aqueduc, surmonté d'un pont étroit, me rappelait un ouvrage de Rome auquel les ducs lombards de Spoleto avaient mis la main. Les Américains n'en sont pas encore à ces monuments qui viennent après la liberté. J'ai monté la Soma à pied, près des bœufs de Clitumne qui traînaient Madame l'ambassadrice à son triomphe. Une jeune chevrière, maigre, légère et gentille comme sa bique, me suivait avec son petit frère dans ses opulentes campagnes en me demandant la carita. Je la lui ai faite en mémoire de Madame de Beaumont, dont ces lieux ne se souviennent plus. Alas, regardless of their doom, the little victims play, no sense of their ills to come, nor care beyond today. Hélas, sans souci de leur destinée, folâtres les petites victimes, elles n'ont ni prévision des maux à venir, ni soin d'outre journée. Note. Ce sont des vers du poète Gray, dans son ode, sur une vue lointaine du collège d'Eton. Fin de note. J'ai retrouvé Terni et ses cascades. Une campagne plantée d'oliviers m'a conduit à Narni, puis, en passant par Otricoli, nous sommes venus nous arrêter à la triste Civita Castellana. Je voudrais bien aller à Santa Maria di Faleri pour voir une ville qui n'a plus que la peau, son enceinte. À l'intérieur, elle était vide. Misère humaine, adieu, ramène. Laissons passer mes grandeurs et je reviendrai chercher la ville des Falisques. Du tombeau de Néron, je vais montrer bientôt à ma femme la croix de Saint-Pierre qui domine la ville des Césars. Vous venez de parcourir mon journal de route. Vous allez lire mes lettres à Madame Récamier, entremêlées, comme je l'ai annoncé, de pages historiques. Parallèlement, vous trouverez mes dépêches. Ici paraîtront distinctement les deux hommes qui existent en moi. À Madame Récamier, Rome, ce 11 octobre 1828. J'ai traversé cette belle contrée, remplie de votre souvenir. Il me consolait, sans pourtant m'ôter la tristesse de tous les autres souvenirs que je rencontrais à chaque pas. J'ai revu cette mer adriatique que j'avais traversée il y a plus de 20 ans. Dans quelle disposition d'âme! À Terni, je m'étais arrêté avec une pauvre expirante. Enfin, je suis entré dans Rome. Ces monuments, après ceux d'Athènes, comme je le craignais, m'ont paru moins parfaits. Ma mémoire des lieux, étonnante et cruelle à la fois, ne m'avait pas laissé oublier une seule pierre. Je n'ai vu personne encore, excepté le secrétaire d'État, le cardinal Bernetti. Pour avoir à qui parler, je suis allé chercher Guérin, hier, au coucher du soleil. Il a paru charmé de ma visite. Nous avons ouvert une fenêtre sur Rome et admiré l'horizon. C'est la seule chose qui soit restée pour moi telle que je l'ai vue. Mes yeux ou les objets ont changé, peut-être les uns et les autres. Les premiers moments de mon séjour à Rome furent employés à des visites officielles. Sa sainteté me reçut en audience privée. Les audiences publiques ne sont plus d'usage et coûtent trop cher. Léon XII, prince d'une grande taille et d'un air à la fois serein et triste, est vêtu d'une simple soutane blanche. Il n'a aucun faste et se tient dans un cabinet pauvre, presque sans meubles. Il ne mange presque pas. Il vit avec son chat d'un peu de polenta. Il se sait très malade et se voit dépérir avec une résignation qui tient de la joie chrétienne. Il mettrait volontiers, comme Benoît XIV, son cercueil sous son lit. Arrivé à la porte des appartements du pape, un abbé me conduit par des corridors noirs jusqu'au refuge ou au sanctuaire de sa sainteté. Elle ne se donne pas le temps de s'habiller, de peur de me faire attendre. Elle se lève, vient au-devant de moi, ne me permet jamais de mettre un genou en terre pour baiser le bas de sa robe au lieu de sa mule, et me conduit par la main jusqu'au siège placé à droite de son indigent fauteuil. Assis, nous causons. Le lundi, je me rends à 7 heures du matin chez le secrétaire d'État, Bernetti, homme d'affaires et de plaisir. Il est lié avec la princesse d'Orient. Il connaît le siècle et n'a accepté le chapeau de cardinal qu'à son corps défendant. Il a refusé d'entrer dans l'église, n'est sous-diacre qu'à Brevet, et se pourrait marier demain en rendant son chapeau. Il croit à des révolutions et il va jusqu'à penser que, si sa vie est longue, il a des chances de voir la chute temporelle de la papauté. Les cardinaux sont partagés en 3 factions. La première se compose de ceux qui cherchent à marcher avec le temps et parmi lesquels se rangent Benvenuti et Opizzoni. Benvenuti s'est rendu célèbre par l'extirpation du brigandage et sa mission à Ravenne, après le cardinal Rivarola. Opizzoni, archevêque de Bologne, sait concilier les diverses opinions dans cette ville industrielle et littéraire, difficile à gouverner. la seconde faction se forme des Zélanti, qui tentent de rétrograder. Un de leurs chefs est le cardinal Odescalchi. Enfin, la troisième faction comprend les immobiles, vieillards qui ne veulent ou ne peuvent aller ni en avant ni en arrière. Parmi ces vieux, on trouve le cardinal Vidoni, espèce de gendarme du traité de Tolentino. Gros et grand, visage allumé, calotte de travers. Quand on lui dit qu'il a des chances à la papauté, il répond « Lo santo spirito sarebbe dunque ubriaco ». Il plante des arbres à Ponte Molle, où Constantin fit le monde chrétien. Je vois ces arbres lorsque je sors de Rome par la porte du peuple pour entrer par la porte angélique. Du plus loin qu'il m'aperçoit, le cardinal me crie « Ah, ah, signor ambasciatore di Francia !» Puis il s'emporte contre les planteurs de ses pins. Il ne suit point l'étiquette cardinaliste. Il se fait accompagner par un seul laquais dans une voiture à sa guise. On lui pardonne tout en l'appelant « Madama Vidoni ». Note, quand j'ai quitté Rome, il a acheté ma calèche et m'a fait l'honneur d'y mourir en allant à Ponte Molle. Note de Paris, 1836, Chateaubriand. Fin de note. Mes collègues d'ambassade sont le comte Lutzow, ambassadeur d'Autriche, homme poli. Sa femme chante bien, toujours le même air, et parle toujours de ses petits-enfants. Le savant baron Bensen, ministre de Prusse et ami de l'historien Niebuhr. Je négocie auprès de lui la résiliation en ma faveur du bail de son palais sur le Capitole. Le ministre de Russie, prince Gagarine, exilé dans les grandeurs passées de Rome pour des amours évanouis, s'il fut préféré par la belle madame Narychkine, un moment habitante de mon ermitage d'Aulnay, il y aurait donc un charme dans la mauvaise humeur. On domine plus par ses défauts que par ses qualités. Monsieur de Labrador, ambassadeur d'Espagne, homme fidèle, parle peu, se promène seul, pense beaucoup ou ne pense point, ce que je ne sais démêler. Le vieux comte Fuscaldo représente Naples comme l'hiver représente le printemps. Il a une grande pancarte de carton sur laquelle il étudie avec des lunettes, non les champs de roses de Paestum, mais les noms des étrangers suspects dont il ne doit pas viser les passeports. J'envie son palais, Farnèse, admirable structure inachevée, que Michel-Ange couronna, que peignit Annibal Carracci, aidé d'Augustin, son frère, et sous le portique duquel s'abrite le sarcophage de Cecilia Metellia, qui n'a rien perdu au changement de mausolée. Fuscaldo, en loque d'esprit et de corps, a, dit-on, une maîtresse. Le comte de Celle, ambassadeur du roi des Pays-Bas, avait épousé Mademoiselle de Valence, aujourd'hui morte. Il en a eu deux filles, qui par conséquent sont petites-filles de Madame de Genlis. Monsieur de Celle est resté préfet parce qu'il l'a été. Caractère mêlé du loquace, du tyranneau, du recruteur et de l'intendant qu'on ne perd jamais. Si vous rencontrez un homme qui, au lieu d'arpents, de toises et de pieds, vous parle d'hectares, de mètres et de décimètres, vous avez mis la main sur un préfet. Monsieur de Funchal, ambassadeur demi-avoué du Portugal, est ragotin, agité, grimacier, vert comme un singe du Brésil et jaune comme une orange de Lisbonne. Il chante pourtant sa négresse, ce nouveau Camoens. Grand amateur de musique, il tient à sa solde une espèce de Paganini en attendant la restauration de son roi. Par-ci, par-là, j'ai entrevu de petits finauds de ministres de divers petits états, tous scandalisés du bon marché que je fais de mon ambassade. Leur importance boutonnée, gourmée, silencieuse, marche les jambes serrées et à pas étroits. Elle a l'air prête à crever de secrets qu'elle ignore. Ambassadeur en Angleterre dans l'année 1822, je recherchais les lieux et les hommes que j'avais jadis connus à Londres en 1793. Ambassadeur auprès du Saint-Siège en 1828, je me suis hâté de parcourir les palais et les ruines, de redemander les personnes que j'avais vues à Rome en 1803. Des palais et des ruines, j'en ai retrouvé beaucoup, des personnes, peu. Le palais Lancelotti, autrefois loué au cardinal Fesch, est maintenant occupé par ses vrais maîtres, le prince Lancelotti et la princesse Lancelotti, fille du prince Massimo. La maison où demeura Madame de Beaumont à la place d'Espagne a disparu. Quant à Madame de Beaumont, elle est demeurée dans son dernier asile et j'ai prié avec le pape Léon XII à sa tombe. Canova a pris également congé du monde. Je le visitai deux fois dans son atelier en 1803. Il me reçut le maillet à la main. Il me montra de l'air le plus naïf et le plus doux son énorme statue de Bonaparte et son Hercule lançant l'Icasse dans les flots. Il tenait à vous convaincre qu'il pouvait arriver à l'énergie de la forme. Mais alors même son ciseau se refusait à fouiller profondément l'anatomie. La nymphe restait malgré lui dans les chairs, et les baies se retrouvaient sous les rides de ces vieillards. J'ai rencontré sur ma route le premier sculpteur de mon temps. Il est tombé de son échafaud, comme Goujon de l'échafaud du Louvre. La mort est toujours là pour continuer la Saint-Barthélemy éternelle et nous abattre avec ses flèches. Mais qui vit encore, à ma grande joie, c'est mon vieux Boguet, le doyen des peintres français à Rome. Note, le vieux Boguet, le meilleur, le plus humble et le plus doux des peintres. Il avait cette simplicité soumise et cette conversation uniforme que l'auteur recherchait dans ses familiers, parce qu'elle ne l'empêchait pas de penser à autre chose. Marcellus, Chateaubriand et son temps, page 334. Fin de note. Deux fois, il a essayé de quitter ses campagnes aimées, il est allé jusqu'à Gênes. Le cœur lui a failli et il est revenu à ses foyers adoptifs. Je l'ai choyé à l'ambassade, ainsi que son fils, pour lequel il a la tendresse d'une mère. J'ai recommencé avec lui nos anciennes excursions. Je ne m'aperçois de sa vieillesse qu'à la lenteur de ses pas. J'éprouve une sorte d'attendrissement en contrefaisant le jeune et en mesurant mes enjambées sur les siennes. Nous n'avons plus ni l'un ni l'autre longtemps à voir couler le Tibre. Les grands artistes, à leur grande époque, menaient une tout autre vie que celle qu'ils mènent aujourd'hui. Attachés aux voûtes du Vatican, aux parois de Saint-Pierre, aux murs de la Farnésine, ils travaillaient à leurs chefs-d'œuvre suspendus avec eux dans les airs. Raphaël marchait environné de ses élèves, escorté des cardinaux et des princes, comme un sénateur de l'ancienne Rome suivi et devancé de ses clients. Charles Quint posa trois fois devant le Titien. Il ramassait son pinceau et lui cédait la droite à la promenade, de même que François Ier assistait Léonard de Vinci sur son lit de mort. Titien alla en triomphe à Rome. L'immense Buonarroti l'y reçut. À 99 ans, Titien tenait encore d'une main ferme, à Venise, son pinceau d'un siècle, vainqueur des siècles. Le grand-duc de Toscane fit déterrer secrètement Michel-Ange, mort à Rome, après avoir posé, à 88 ans, le faîte de la coupole de Saint-Pierre. Florence, par des obsèques magnifiques, expia sur les cendres de son grand peintre l'abandon où elle avait laissé la poussière de Dante, son grand poète. Velasquez visita deux fois l'Italie, et l'Italie se leva deux fois pour le saluer. Le précurseur de Murillo reprit le chemin des Espagnes, chargé des fruits de cette Hespérie ozonienne qui s'était détachée sous sa main. Il emporta un tableau de chacun des 12 peintres les plus célèbres de cette époque. Ces fameux artistes passaient leurs jours dans des aventures et des fêtes. Ils défendaient les villes et les châteaux. Ils élevaient des églises, des palais et des remparts. Ils donnaient et recevaient de grands coups d'épée, séduisaient des femmes, se réfugiaient dans les cloîtres, étaient absous par les papes et sauvés par les princes. Dans une orgie que Benvenuto Cellini a racontée, on voit figurer les noms d'un Michel-Ange et de Jules Romain. Aujourd'hui, la scène est bien changée. Les artistes à Rome vivent pauvres et retirés. Peut-être y a-t-il dans cette vie une poésie qui vaut la première. Une association de peintres allemands a entrepris de faire remonter la peinture au Pérugin pour lui rendre son inspiration chrétienne. Ces jeunes néophytes de Saint-Luc prétendent que Raphaël, dans sa seconde manière, est devenu païen et que son talent a dégénéré. Soit, soyons païens comme les vierges raphaéliques, que notre talent dégénère et s'affaiblisse comme dans le tableau de la Transfiguration. Cette erreur honorable de la nouvelle école sacrée n'en est pas moins une erreur. Il s'ensuivrait que la roideur et le mal dessiné des formes seraient la preuve de la vision intuitive, tandis que cette expression de foi, remarquable dans les ouvrages des peintres qui précèdent la Renaissance, ne vient point de ce que les personnages sont posés carrément et immobiles, comme des sphinx, mais de ce que la peinture croyait, comme son siècle. C'est sa pensée, non sa peinture, qui est religieuse. Chose si vraie que l'école espagnole est éminemment pieuse dans ses expressions, bien qu'elle ait les grâces et les mouvements de la peinture depuis la Renaissance. D'où vient cela? De ce que les Espagnols sont chrétiens. Je vais voir travailler séparément les artistes. L'élève sculpteur demeure dans quelques grottes sous les chênes verts de la Villa Médicis, où il achève son enfant de marbre qui fait boire un serpent dans une coquille. Le peintre habite quelque maison délabrée dans un lieu désert. Je le trouve seul, prenant à travers sa fenêtre ouverte quelques vues de la campagne romaine. La brigande de M. Schnetz est devenue la mère qui demande à une madone la guérison de son fils. Léopold Robert, revenu de Naples, a passé ses jours derniers par Rome, emportant avec lui les scènes enchantées de ce beau climat qu'il n'a fait que coller sur sa toile. Guérin est retiré comme une colombe malade au haut d'un pavillon de la Villa Médicis. Il écoute, la tête sous son aile, le bruit du vent du Tibre. Quand il se réveille, il dessine à la plume la mort de Priam. Horace Vernet s'efforce de changer sa manière. Y réussira-t-il ? Le serpent qu'il enlace à son cou, le costume qu'il affecte, le cigare qu'il fume, les masques et les fleurets dont il est entouré rappellent trop le bivouac. Qui a jamais entendu parler de mon ami, M. Keck, successeur de Jules III dans le Cazin de Michel-Ange, de Vignol et de Thaddée Zuccari? Et pourtant, il a peint pas trop mal, dans son infait en décret, la mort de Vitellius. Les parterres en friche sont hantés par un animal futé que s'occupe à chasser M. Keck. C'est un renard, arrière-petit-fils de Goupil Renard, premier du nom et neveu d'Isengrin le Loup. Pinelli, entre deux ivresses, m'a promis 12 scènes de danse, de jeux et de voleurs. C'est dommage qu'il laisse mourir de faim son grand chien, couché à sa porte. Thorwaldsen et Camuccini sont les deux princes des pauvres artistes de Rome. Quelquefois, ces artistes dispersés se réunissent. Ils vont ensemble à pied à Subiaco. Chemin faisant, ils barbouillent sur les murs de l'auberge de Tivoli des grotesques. Peut-être un jour reconnaîtra-t-on quelque Michel-Ange au charbonnet qu'il aura tracé sur un ouvrage de Raphaël. Je voudrais être né artiste. La solitude, l'indépendance, le soleil parmi des ruines et des chefs-d'œuvre me conviendraient. Je n'ai aucun besoin. Un morceau de pain, une cruche de l'Aqua Felice me suffirait. Ma vie a été misérablement accrochée au buisson de ma route. Heureux si j'avais été l'oiseau libre qui chante et fait son nid dans ses buissons. Nicolas Poussin acheta de la dot de sa femme une maison sur le Monte Pincio, en face d'un autre casino qui avait appartenu à Claude Gelé, dit le Lorrain. Mon autre compatriote, Claude, mourut aussi sur les genoux de la reine du monde. Si Poussin reproduit la campagne de Rome, lors même que la scène de ses paysages est placée ailleurs, le Lorrain reproduit les ciels de Rome, lors même qu'il peint des vaisseaux et un soleil couchant sur la mer. Que n'ai-je été le contemporain de certaines créatures privilégiées pour lesquelles je me sens de l'attrait dans les siècles d'hiver? Mais il m'eût fallu ressusciter trop souvent. Le Poussin et Claude le Lorrain ont passé au Capitole, des rois y sont venus et ne les valaient pas. De Brosse y rencontra le prétendant d'Angleterre. J'y trouvais en 1803 le roi de Sardaigne, abdiqué, et aujourd'hui, en 1828, j'y vois le frère de Napoléon, roi de Westphalie. Rome déchue offre un asile aux puissances tombées. Ses ruines sont un lieu de franchise pour la gloire persécutée et les talents malheureux. Si j'avais peint la société de Rome, il y a un quart de siècle, de même que j'ai peint la campagne romaine, je serais obligé de retoucher mon portrait. Il ne serait plus ressemblant. Chaque génération est de 33 années, la vie du Christ. Le Christ est le type de tout. Chaque génération dans notre monde occidental varie sa forme. L'homme est placé dans un tableau dont le cadre ne change point, mais dont les personnages sont mobiles. Rabelais était dans cette ville en 1536 avec le cardinal du Bellay. Il faisait l'office de maître d'hôtel de son éminence, il tranchait et présentait. Rabelais, changé en frère Jean des Entômeurs, n'est pas de l'avis de Montaigne, qui n'a presque point ouï de cloches à Rome, et beaucoup moins que dans un village de France. Rabelais, au contraire, en entend beaucoup dans l'île sonnante, Rome, doutant que ce fût Dodone avec ses chaudrons. 44 ans après Rabelais, Montaigne trouva les bords du Tibre plantés. Il remarque que le 16 mars, il y avait des roses et des artichauts à Rome. Les églises étaient nues, sans statues de saints, sans tableaux, moins ornées et moins belles que les églises de France. Montaigne était accoutumé à la vastité sombre de nos cathédrales gothiques. Il parle plusieurs fois de Saint-Pierre, sans le décrire, insensible ou indifférent qu'il paraît être aux arts. En présence de tant de chefs-d'œuvre, aucun nom ne s'offre au souvenir de Montaigne. Sa mémoire ne lui parle ni de Raphaël, ni de Michel-Ange, mort il n'y avait pas encore 16 ans. Au reste, les idées sur les arts, sur l'influence philosophique des génies qui les ont agrandis ou protégés, n'étaient point encore nées. Le temps fait pour les hommes ce que l'espace fait pour les monuments. On ne juge bien des uns et des autres qu'à distance et au point de la perspective. Trop près, on ne les voit pas, trop loin, on ne les voit plus. L'auteur des essais ne cherchait dans Rome que la Rome antique. Les bâtiments de cette Rome bastarde, dit-il, qu'on voit à cette heure, attachant à ces masures, quoiqu'ils aient de quoi ravir en admiration nos siècles présents, me font ressouvenir des nids que les moineaux et les corneilles vont suspendant en France aux voûtes et parois des églises que les huguenots viennent d'y démolir. Quelle idée Montaigne se faisait-il donc de l'ancienne Rome, s'il regardait Saint-Pierre comme un nid de moineaux suspendu aux parois du Colisée? Le nouveau citoyen romain, par bulle authentique de l'an 1581 depuis Jésus-Christ, avait remarqué que les romaines ne portaient point de loup ou de masque comme les françaises. Elles paraissaient en public couvertes de perles et de pierreries, mais leur ceinture était trop lâche et elles ressemblaient à des femmes enceintes. Les hommes étaient habillés de noir, et bien qu'ils fussent ducs, comtes et marquis, ils avaient l'apparence un peu vile. N'est-il pas singulier que saint Jérôme remarque la démarche des romaines qui les fait ressembler à des femmes enceintes, solutis genibus fractus incessus, à pas brisés, les genoux fléchissants? Fin de la section 37.